Voyagez les yeux fermés. Suivez le guide. Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter. Je suis bienvenue à Panama City, aéroport de Tocorène, international. Hola, que tal? Bienvenido a todos, bienvenue à vous. Suivez le guide est en Amérique centrale, dans un petit pays de 75 000 km², indépendant depuis 1903, situé à l'extrémité sud de l'Amérique centrale sur l'isthme de Panama, limitrophe du Costa Rica et de la Colombie dont il faisait autrefois partie. 3 600 000 habitants en 2015, nous sommes au Panama qui accueille en janvier 2019 les Journées mondiales de la jeunesse avec le pape François, premier pape des Amériques. Quand on dit Panama, on pense au chapeau, tissé en fait en Équateur. On pense au canal, que nous avons découvert dans cette série. Mais on a davantage associé ces dernières années Panama Papers, la fuite de plus de 11 millions de documents confidentiels issus de cabinets d'avocats panaméens. Le canal de Panama, ouvert en 1914, autrefois américain, est une source majeure de financement pour l'État panaméen. Deux spécificités du pays, le Panama a renoncé à avoir une armée puissante au profit de la protection de son environnement. C'est aussi le pays dont la plus grande proportion est couverte par des parcs naturels nationaux. L'origine du nom Panama, il s'agit vraisemblablement d'un mot amérindien, mais il y a plusieurs hypothèses. Panama signifiait peut-être pour les Amérindiens « abondance ». La baie de Panama était très riche en poissons, à moins que le Panama n'ait été un arbre très répandu où, près de la ville de Panama, vivait une communauté amérindienne qui avait pour chef un certain Panama. Mais la vérité est peut-être ailleurs. Dans ce quatrième et dernier Suivez le Guide au Panama, nous mettrons un terme à la rencontre avec Monsieur l'ambassadeur Omar Ren Suarez, ancien ambassadeur du Panama en France. Nous découvrirons les San Blas, un archipel de 378 îles sur la mer des Caraïbes, et nous questionnerons Fabrice Mandon, un Français qui dirige une agence de voyage à Panama, quant aux préparatifs des JMJ. Retrouvons, pour recommencer, Omar Ren Suarez, historien, géographe, ancien ambassadeur du Panama à Paris, qui vit en face de la Trump Tower de Panama City. Nous parlerons notamment de Manuel Noriega, ancien chef des forces armées panaméennes, quand il en avait, puisque le Panama a dissous son armée en 1990. Mais aussi Noriega, agent de la CIA, que notre ambassadeur a connu. Manuel Noriega travaillait étroitement avec la CIA. Une date importante, le 31 décembre 1999, date de la restitution au Panama de son canal par les Américains. A principios de 1987, el coronel Roberto Díaz Herrera es jubilado luego de negociar por semanas los beneficios de su retiro. Noriega lo traicionó, le eliminó sus beneficios y le dio de baja deshonrosamente. Una semana después, Díaz Herrera convoca una conferencia de prensa. En 99, au moment de cette fête, au moment de la restitution, vous, comment vous avez vécu ce moment-là? Parce que après avoir mené les... Vous avez ouvert du champagne. C'était intéressant. Bon, vous voyez l'aboutissement de nos efforts. Et à mon avis, beaucoup plus important encore, c'était la disparition de la présence politique et juridictionnelle. À mon avis, c'est la date essentielle. Et le 1er octobre 1999. Si la famille estaba fuera y yo, en asocio, tendríamos suficientes pruebas para mandar a la cárcel al mayor Córdoba, al capitán Mario del Cid y al propio general Noriega si nos dejaran estar en un tribunal libre, imparcial e independiente. Est-ce que vous l'avez connu, Manuel Antonio Noriega? Oui, bien sûr. Oui. Je l'ai bien connu, oui. Un personnage de cinéma. C'est un personnage, oui. D'une certaine manière, pathétique. L'histoire de sa vie, c'est un roman. Oui, un roman, oui. Il a été agent de la CIA. Un peu roman de la misère. Ouais. Oui. Et il vient du quartier pauvre aussi. Mais oui, bien sûr. Moi, j'ai bien vu. Il n'était pas bête, mais enfin, il n'a pas compris ce qui lui est arrivé à la fin. Et je pense que il n'a pas compris. Il n'a pas de repères suffisants pour voir, pour entourer des gens complètement Pilon aussi, bon, qui avait des intérêts personnels, etc. Mais oui, oui, j'ai bien vu. Alors, on parle, parce qu'on parle des années Noriega, oui. Mais qui n'était pas président du Panama. Non, non, mais enfin, c'était le pouvoir. Mais c'était le pouvoir, oui. Ouais. Oui. C'était, donc, c'est une période de dictature, vraiment Bon, c'était pas une dictature comme au Venezuela, Cuba, non. Non, loin de là. Il n'y avait pas des centaines de morts. Et non, non, non, non. Cuba, c'était beaucoup plus dur, infiniment plus. Et quoi qu'on a inventé, ce mythe romantique en Europe. Oui. Mais non, il y a eu des millions de personnes qui ont expulsé le pays, qui ont dû partir, la misère totale. Non, non, ça n'a pas existé à Panama. Le Venezuela, aujourd'hui, c'est terrible. Et les gens ne savent pas ce que c'est. Et c'est la misère, la famine partout. Et les opposants, les militants politiques, évidemment, ici, étaient persécutés à l'époque, mais c'était une minorité. Hein, non, c'était pas là. C'est surtout un sentiment généralisé, et surtout la dernière année où il y a eu une pression américaine très forte, où il y a eu une baisse de 15% du PIB, à ce moment-là, oui. C'est-à-dire la même chose qui vit le Venezuela aujourd'hui depuis je ne sais pas combien d'années, c'est une année. Mm-hmm. Voilà, c'était ça. Mais ce sont les Américains qui l'ont arrêté, Noriega? Oui, mais évidemment, oui. Il y a eu une invasion américaine, les Américains avec des bases ici, au centre-ville. Donc, il n'a pas compris ça. Quelque chose d'aussi élémentaire. Il s'est opposé aux Américains et les opposants, d'ailleurs, l'ont dédogé, tout simplement. Il n'a pas compris. Qui était les dangers, oui. la dimension. Il croyait que parce qu'il avait des bons rapports avec certaines agences d'intelligence, les Américains les sauvaient, pas du tout. Ouais. Mais comment vivait le peuple panaméen pendant ces années-là? Le gens, bon, ils vivaient comme tout le monde. Normalement, bon, les opposants politiques militants, oui. Bon, ceux-là, okay. Ils ne vivaient pas si bien. Il y a certains d'entre eux qui ont dû quitter le pays, évidemment. Mais c'était quelques dizaines de personnes, pas des milliers, encore pas de millions comme à Cuba ou au Venezuela. Aujourd'hui, c'est des millions déjà qui quittent le pays. À Panama, il y a eu bon, quelques milliers de personnes qui ont quitté, bon, tout simplement parce qu'il n'y avait pas le chômage grandi, des professions libérales ne trouvaient que c'était pas. Surtout la dernière année, ouais. 89. Voilà. 89, c'était une année dure. Et les autres, pas tellement. Non, pour le peuple commun, non. À ce moment-là, oui, parce qu'il y a eu un blocus économique très fort des Américains. Et voilà. Mais quelle était la fonction de Noriega dans ces années-là? Ben, il était toujours chef des armées. Chef des armées. Mais oui, ouais. C'est ça. Et le président, lui, avait quel pouvoir? Bon, administratif. Administratif. Oui. Essentiellement. Oui. Manuel Noriega travaille étroitement avec la CIA, mais en 1987, il est lâché par les Américains qui l'accusent d'avoir transformé le Panama en plaque tournante de la drogue. Il rétorque aussitôt. Je dis aux Américains d'arrêter de me menacer, car je ne crains pas la mort. En général, dans toute la période militaire, c'est-à-dire depuis le coup d'État de 68, jusqu'à l'invasion 89 américaine, c'était des régimes militaires, c'était les militaires. Ah oui. Et c'était une police militarisée, c'était pas une armée comme l'armée française ou américaine, non. Ou anglaise, ou mexicaine, non. Et c'était, ou même la vénézuélienne, c'est des vraies armées. Et colombienne, n'en parlons pas, c'est une vraie armée. Et c'était une police, en partie militarisée. Et ils n'ont pas compris d'abord quel était le vrai pouvoir. Ensuite, ils n'ont pas compris qu'ils avaient devant eux une puissance réelle, enfin, la superpuissance mondiale, qui en plus avait des bases militaires avec 10 000 soldats, des vrais soldats. Enfin bref, c'était élémentaire pour voir la chose. C'était clair. Vous avez été ministre après ? Après. Après. Donc là, vous aviez un vrai rôle de ministre, une vraie mission. Oui, oui, mais après, c'était pas ce moment-là. Bon, à ce moment-là, j'étais conseiller à la présidence pour des questions diplomatiques, etc. Mais je n'avais pas de pouvoir. Et donc, quelle relation avait le président avec Noriega ? Enfin, c'est-à-dire, Noriega, le chef de la garde nationale, c'était une garde nationale. C'est ça. Qui s'appelait les forces de défense, bon, bref. Pour les questions les plus importantes, bon, ils prenaient des décisions, comment, Mais pour tout ce qui était administratif, les militaires ne participaient pas tellement. Oui. Mmh. Non. Mmh. Non. Ils préféraient être entre eux, dans les casernes. Là. Oui. Non. Les étaient, d'une certaine manière, plus efficaces qu'aujourd'hui. Ah, oui. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas très efficace. L'administration publique, il y avait une continuité. Au moins, il y avait une continuité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, car il n'y a pas ici une administration publique comme dans le pays vraiment organisé, en France, au Japon, aux États-Unis, avec une carrière, une vraie, tout cela. Ça n'existe pas à Panama, malheureusement. Et donc, tous les 5 ans, il y a des milliers de personnes qui doivent quitter les postes et surtout des responsabilités pour des gens, des partis politiques qui ont gagné le pouvoir, et des élections. Et c'est très, très mauvais. Car il n'y a pas de continuité. Oui, c'est ça. Dans l'administration. Ouais. Et bon, la différence essentielle était surtout là. Et à cette époque-là, on pouvait planifier un peu plus, un peu mieux. Il y avait une continuité dans l'œuvre administrative. Et aujourd'hui, c'est malheureusement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce que vous ressentiez quand vous étiez avec lui, Noriega? Bon, je n'étais pas avec lui. Enfin, non, mais quand vous étiez amené à le rencontrer, c'était... Bon, non, on se connaissait, on se saluait. Voilà, c'est ça. C'est pas des soirs ensemble. Je faisais pas partie de ses intimes. C'est ça, oui. Non, mais il me respectait toujours, moi, je le voyais. Il est en prison où, maintenant? Il est toujours en prison? Non, il est mort. Ah, il est mort? Mais oui, il est mort, il vient de mourir il y a quelques mois. Ah bon, ah, il est mort. Ah, oui. Donc il est mort en prison? Non, oui, il était en prison, il est mort car il subit une opération du cerveau, il y a une tumeur, je sais pas, enfin bref, un problème. Et il est mort de suite de cette opération. Mm-hmm. Il n'a pas survécu en fait. Mm-hmm. Il a survécu quelques semaines, je crois. Parce que je sais comment se manejó el expediente de Fafora. Nosotros nombramos al procurador para que tapara eso y le echara tierra al caso Fafora. Después de estas declaraciones, la cruzada civilista llama a la desobediencia civil. Convocaron una huelga nacional. Hubo graves disturbios en toda la capital. La prensa criticaba duramente a Noriega. El presidente del Valle declaró el estado de emergencia nacional y suspendió las libertades civiles. On parlait de tourisme au Panama, c'est vraiment depuis que finalement, depuis 99, peut-être que le tourisme part vraiment. Non, le tourisme part réellement, et je dirais depuis une dizaine d'années. Ah, depuis une dizaine d'années. Oui. Et tout d'un coup, bon, le Panama est devenu plus intéressant, plus attractif. Je pense que, bon, les gens ayant fait ce qu'il y a été, qui connaissaient des gens autour, ils ont dit, bon, on va visiter autre chose, on va autre chose. D'autre part, il y a aussi la facilité de communication. Le hub aérien de l'aéroport à Panama, c'est aussi quelque chose de récent, une dizaine d'années. Donc, coïncide un peu avec... il y a une coïncidence entre cet essor du tourisme et voilà. De même que les ports aussi. Ce système portuaire très important et très moderne que vous avez vu, il date de 95, 16, 17, pas avant. Hein. Ouais. Mmh. Et c'était la concession aux entreprises privées étrangères qui a créé cet énorme. Mmh. De même que le chemin de fer. Car nous avons un chemin de fer. Il y a le chemin de fer du 19e siècle. Oui, mais c'était le plus ancien chemin de fer qui traversait un continent. Mmh. Autour de 1850, hein, c'est ça. 1855 a été inauguré. Ah oui. Entre 1850-55. Il y avait plus de boulot aux États-Unis pour rejoindre l'Atlantique, relier l'Atlantique au Pacifique. Hein. Oui, parce qu'il y a eu ça coïncide, en fait, ça avait lieu en même temps que la fièvre de l'or en Californie, qui a débuté en 48, et lorsque la Californie est devenue américaine. Et la Californie est venue après la guerre avec le Mexique. Donc ils ont gagné la guerre, ils ont eu le trophée, c'était la Californie, tous ces territoires, la moitié des territoires de l'Ouest. Et bon, à ce moment-là, on découvre juste l'or près de San Francisco. Il a rué vers l'or. Il y a des gens qui étaient dans les états de la côte Est, New York, Boston, etc., Philadelphie, Washington, Baltimore, qu'ils sont rués vers, mais il fallait traverser tout cet énorme territoire qui venait à peine d'être conquis par les armées des États-Unis, avant la guerre de sécession d'ailleurs. Hello, my name is Panama. 10,000 years of history, exotic nights and mystery, of sun rising over hills of incredible green. I am the soft wind in your face, the magic of a special place. I am yours, my name is Panama. My name is Panama. My name is Panama. Et à ce moment-là, il fallait traverser tout le territoire, ce qui était énorme, ou bien à travers et prendre le bateau, faire à peu près une semaine et quelques 10 jours jusqu'à Panama, jusqu'à Portobello à l'époque, ou Chagres, et traverser l'isthme, qui était très difficile, et des entrepreneurs américains de New York, et des grands industriels de New York, ils sont investis, ils ont construit ces chemins de fer, en 5 ans, et ils ont fait une fortune d'ailleurs, c'était une rentabilité phénoménale, et jusqu'à ce que le transcontinental américain soit inauguré entre New York et San Francisco en 1868, et après la guerre de sécession. Et bon, à ce moment-là, bon, il y a eu une baisse de l'activité chemin de fer, et, mais qui était très utile pour le percement du canal par les Français. Les Français ont acheté l'entreprise de chemin de fer car c'était nécessaire pour les travaux. Pour les travaux, évidemment. Et ensuite, les Américains ont acheté aux Français aussi le chemin de fer qui a été rétrocédé à Panama en 1979. Ah oui, d'accord. Oui. Mais pendant une quinzaine d'années, c'était une entreprise publique. Les entreprises publiques ici ne marchent pas bien. Et donc, en 1995, le gouvernement, à l'époque où je participais d'ailleurs, a privatisé. Et à ce moment-là, bon, c'était le boom des ports à la mer. Voilà. Oui. Et aujourd'hui, on prend un train qui est un train touristique. Mais j'ai vu d'anciennes photos. Il y a eu une grande gare à Panama City, une vraie belle gare. Hein. Et en même temps, et on a privatisé aussi le chemin de fer qui ne fonctionnait pas. C'est l'entreprise d'État. Les entreprises d'État dans ce pays ne marchent pas bien. En général, ça, je crois qu'on l'a compris parce que vous l'avez dit plusieurs fois. Hein. Mais oui, parce que c'est très. Oui, non, parce qu'en Europe, on ne comprend pas ça très bien. Ce n'est pas la SNCF. Oui. Pas du tout. Et c'est toujours politique. Alors, on nomme la clientèle. Voilà. Le problème, c'est ça. C'est le clientélisme politique. Oui, c'est ça. Et voilà. Corruption? C'est une forme, si l'on peut dire, oui, c'est une forme. Oui, acheter des voix à part, c'est des faveurs en nommant des gens compétents. Et voilà. Et finalement, on a aussi privatisé le chemin de fer. Et une entreprise américaine a gagné cette licitation. Le marché. Oui, le marché. Et voilà. Ils ont modernisé le chemin de fer et c'était une très belle affaire. Voilà, qui sert aussi au transport du fret, cela dit. Hein. Surtout, hein, le tourisme, surtout. C'est anecdotique. Hein. Oui. À peu près 10 000 millions de containers par an. Car apparemment, il y a un système de portuaire entre les deux océans qui se trouve à 70 km l'un de l'autre et qui en fait, administre à peu près 3 millions et quelques de conteneurs par an. Oui. Et voilà. Et bon, la plupart. En quoi consiste ce système-là? Bon, ce n'est pas un pays industriel. Ici, on ne produit pas grand-chose. C'est un tout petit pays où la consommation n'est pas énorme. Et bon, la plupart de ces conteneurs qui arrivent à Panama, ils sont tout simplement transportés des gros bateaux à des petits bateaux qu'on appelle feeders. Ils alimentent donc des petits ports un peu partout, qui font le cabotage régional. Ah oui, c'est ça, voilà, une redistribution. Voilà, c'est cela. Et ça, c'est une très belle affaire pour les entreprises ou ce genre de choses. Et voilà. Año del 89, contra drogas se trataba, traficantes que agarraban, a Noriega denunciaban, contaban toda una historia, después que los calentaban. Manuel Antonio Noriega, presidente en Panamá, fue en las Naciones Unidas representante oficial. las denuncias ignoraban los narcos del general. Suivez le guide est au Panama, l'occasion de brosser le portrait de ce petit pays et de ses attraits avec Omar Ren Suarez, qui fut ambassadeur du Panama à Paris de 2005 à 2008. Voyagez les yeux fermés, suivez le guide. Le Panama, ça aussi ça peut surprendre, un pays sans armée. Bon, il y a différentes polices, mais il n'y a pas d'armée. Mais non, c'est pas, il n'y a pas d'armée, mais il y a une police qui se militarise de plus en plus. Et ça, c'est une préoccupation croissante, hein, grandissante à Panama, car les deux derniers présidents, les trois dernières fêtes, on ne fait que renforcer ces caractères de plus en plus militarisés de la police. Et tout cela, en réalité, sous influence des États-Unis. Car les États-Unis poussent à la militarisation des polices locales pour faire face, dit-on, aux activités de trafic de drogue, d'armes, etc. En réalité, ce n'est pas un problème de Panaméens, car le grand consommateur, c'est les États-Unis. Vous voyez, donc ici, l'activité de trafic dans toute la région, hein, c'est pas seulement le Panama, de la production du pain et des transports d'autre part. Mais ça passe par le Panama. Bon, ça passe pas ici. C'est comme les oiseaux. Ça passe partout. Oui. Pas seulement le Panama. Mais c'est parce qu'il y a un marché énorme qui consomme, qui se trouve aux États-Unis. Donc, et il y a beaucoup de gens qui sont à Panama et dans la région qui sont très préoccupés parce qu'ils trouvent que pourquoi on doit faire les frais des problèmes des autres, surtout des problèmes des États-Unis qui est une puissance, qui a des moyens. Donc, il y a des problèmes, c'est pousser à la militarisation excessive de la police. Et on n'a pas eu, malheureusement, un leadership suffisant à Panama, des chefs d'État, ayant une conscience que c'est un danger. Car on a vécu déjà ce que c'est que la militarisation d'une police. Oui. On est arrivé à une période qui n'était pas la meilleure. C'est le moins que l'on puisse dire. N'est-ce pas ? Qui a débouché sur une invasion étrangère avec beaucoup donc, de morts. Toujours Noriega. Oui, bien sûr. Et beaucoup de morts, des centaines de morts. Certains disent que même des milliers. Jamais il y a eu autant de morts lors de tous ces régimes militaires et les intérêts, parce que pas seulement sur cette période, dans d'autres périodes, vous voyez, jamais il y a eu autant qu'à ces moments-là. Et tout cela était le produit d'une militarisation excessive de la police. Oui. Et nous sommes en train de vivre à peu près un phénomène qui va dans ce sens-là. Et tout cela poussé par les États-Unis. Mais en fait, le Panama, c'est un pays relativement pacifique, relativement sûr. Ce que j'entends dire à tous ces gens, les étrangers qui viennent ici, les gens d'Amérique centrale, les gens de la Colombie, le Venezuela, n'en parlons pas, c'est une vraie catastrophe, le Venezuela. Et tous ces gens-là me disent qu'ici, bon, c'est beaucoup plus sûr, beaucoup plus pacifique. Les gens le sont, l'esprit national est plutôt pacifique. Alors, pacifique sur le Pacifique. Oui, voilà, c'est un tempérament. Un tempérament et un tempérament aussi est plutôt accueillant et festif. Ouais. Vous l'avez vu. On bavarde un lendemain de carnaval, mardi gras. Non, mais c'est tout le temps. C'est tout le temps. Ici, les gens sont plutôt l'esprit festif. Pour les Européens, beaucoup plus que les Européens, ça, c'est aucun doute. C'est l'esprit caraïbe. C'est ça, voilà. Effectivement. Un petit mot, vous venez de la région vous venez de Anton, c'est ça? Oui, oui, oui. Alors moi, demain, je vais découvrir la vallée de Anton. Ah oui, c'est près de chez vous, ça. Oui, oui, c'est un volcan. Ça fait partie de nos terres par là. C'est un volcan, c'est le plus grand volcan qui existe au continent américain. Et c'est c'est à peu près 3000 hectares. C'est un volcan ancien. Oui, c'est ça. 300 000 ans au moins. et qu'il y a eu une fin explosive il y a très longtemps. Vous avez les rebords jusqu'à 1200 mètres, mais le fond de la vallée, et il y a 3000 hectares, c'est à 600 mètres d'altitude. Et bon, en face, vous avez toutes les plaines, toute une plaine littorale avec des plages, il y a beaucoup d'hôtels, enfin bref, c'est très actif. Et c'est récent aussi, c'est un phénomène récent. C'est un développement. Il y a un vrai développement, je pense, touristique de la vallée, plein de centres d'intérêt. On va voir les papillons, on fait des randonnées. Oui, il y a toutes sortes de choses. Oui, c'est très agréable, toute cette région. C'est dans les atouts touristiques, vraiment, du Panama, cette vallée. Oui, et puis tout ce qui est autour, toute cette côte pacifique, et d'abord, c'est une région sèche, relativement, et il pleut moins. C'est-à-dire, et donc, il y a beaucoup plus de journées ensoleillées, et c'est frais, c'est très agréable. Ouais. Je passais là quelques jours du carnaval. Ah bon, vous avez quitté Panama City pour le carnaval? Oui, j'ai eu propre par là. Donc Vous étiez au carnaval de Las Tablas? Non. C'est pour les jeunes. Ah, mais vous l'avez fait, le carnaval. Oui, Amila. Vous avez des grands souvenirs de carnaval? Déjà très longtemps. Ouais. Non, ce n'est plus le... Non, on aspire au calme, à la tranquillité, au repos. Voilà, je vais travailler plutôt mes livres, mes articles, des essais, etc. Mmh. Voilà, c'est très différent. Mais enfin, vous allez connaître une région très, très jolie, très belle, et avec un relief très agréable, une végétation intéressante, et aussi des plages pas loin, à peu près une trentaine de kilomètres de cette montagne, vous avez les plages, ce n'est pas loin. Et voilà. Avec aussi une gastronomie. On mange pas mal à Panama. Oui. C'est le commentaire. Oui, ça, c'est énorme. Mais il y a toute la. Évidemment, c'est un pays d'immigrants. C'est un pays. Donc chacun a apporté. Oh oui, alors, il y a toutes sortes. Après, tout s'est mélangé. Des mélanges, des fusions. Enfin, cette cuisine est très agréable. En plus, la cuisine tropicale est toujours très savoureuse. Et les étrangers en général, ils apprécient. Ils apprécient beaucoup parce qu'ils trouvent quelque chose de différent. Voilà. Et à ce qu'on trouve en France, qui est une chose magnifique, en Espagne, en Italie, partout. Et mais aussi la cuisine tropicale et autre chose. Et ça s'est beaucoup développé à Panama, à mon avis. Eh bien, je vous remercie beaucoup conversation. Gracias. Voilà, c'était, j'espère que votre audience va apprécier quelques mots sur mon pays, sur le Panama, un isthme étroit entre les deux océans, qui est en fait une plaque tournante dans le monde et une des portes essentielles du Pacifique, de l'océan Pacifique, qui est l'océan qui a déjà détrôné une grande partie de l'Atlantique. Calidonia y Catedral, mi nuevo Singalín aplaudió. Singalín de Panamá, acabó. Por ese chequino traigo yo. C'était Omar Jaén Suárez, ancien ambassadeur du Panama à Paris. Nous allons à présent traverser le pays, 70 km seulement, et quand ça roule bien, il faut moins d'une heure pour passer de Panama City sur le Pacifique à la côte atlantique, ou plutôt la mer des Caraïbes. Nous passons une frontière intérieure avec formalité douanière pour pénétrer sur le territoire des Cunas. La comarca de San Blas a la particularité d'être la seule province du pays exclusivement habitée par une population autochtone, les Cunas, qu'il appelle aujourd'hui Cuna Yala, soit la terre des Cunas. Les îles San Blas sont des îles paradisiaques, et ce grâce au fait que la population autochtone Cuna exerce un plein contrôle sur ces îles. L'industrie du tourisme ne s'en est pas emparée. Ici, pas de tourisme de masse. Arrivé au port, on prend le bateau et les Cunas se chargent de répartir les touristes sur les différentes îles ou îlots sur lesquels ont été construits des bungalows plutôt rudimentaire, mais au bord de l'eau translucide. On compte quelques familles seulement par île, mais il y a aussi l'île École ou l'île Hôpital. C'est sur une petite île accueillant un restaurant où l'on peut déguster d'excellentes langoustes que j'ai rencontré l'un des guides Kounas, au prénom surprenant Lénine. C'est la première fois que je rencontre Lénine. Lénine, sur quelle île sommes-nous ? We are in Banedo Bépé. Banedo Bépé. Banedo Bépé. C'est une petite île de cet archipel, donc des San Blas. Combien d'îles ? How many islands ? 400 islands, more or less. Plus ou moins. Ah, more or less, it changed. Près, environ autour de 400 îles, sachant que certaines sont vraiment minuscules. Hein. Quelle est la plus petite sur laquelle il est allé ? The smaller one is that one over there. Elle est tout près d'ici. There was a palm tree. But il y a un palmier. Yeah, we got an, a storm. Il y a eu une tempête. Took the palm tree. Et il n'y a plus de palmier. No. Et la plus grande, the biggest one? The biggest is Massagrande. Massagrande. It's like 1 hour if you want to go around the island. Ah, il faut une heure pour faire. Bon, voilà, pour mesurer le temps, la plus grande, il faut une heure pour faire le tour de l'île, et la plus petite, eh ben, finalement. Une minute ou deux minutes peut-être pour faire le tour de l'île. Comment présenter les Kounas? Qui sont les Kounas? Who are the Kounas? Okay. According to the history. Donc selon l'histoire. We are coming from the south. Nous venons du sud, you know, des montagnes. But we had conflicts, problems. Mais il y a eu des conflits. Between tribes, you know. Entre les tribus. And then we moved little et by little. On s'est déplacé. And then we found peace and love here in those islands. Et on a trouvé paix et amour sur les îles. But before, Kounas didn't live on islands. We lived in the mountains, yeah. The donc forest. Dans les montagnes, pas du tout dans les forêts, pas du tout sur les îles. Kounas felt more safe on the islands. Les Kounas yeah, se sentaient. Yeah, now it's we feel more safe because here we don't have insects, you know. Ici, il y a pas d'insectes, il y a pas des serpents. So in the mountains, you had a lot of that. Sur les montagnes, il y en a. On passe. Comme une frontière finalement quand on entre en territoire des Kounas. C'est comme si on entre dans un autre pays. Because here it is this autonomous region. Ah, c'est une région autonome. So, and there are the policemen there. Donc il y a la police. They check the passport because we are very close to Colombia. Parce qu'on est près de la Colombie. Uh-huh. C'est pourquoi il y a la vérification des passeports. A lot of people crossing the borders without papers, you know. Donc il y a un certain nombre de personnes qui passent la frontière sans papier. Aujourd'hui, les Kounas vivent beaucoup du tourisme. Mais avant le tourisme, de quoi vivaient les Kounas ? Agriculture, l'agriculture, fishing, la pêche. Yeah, but yeah, as you said, yeah, we live in tourism. Yeah. Et maintenant, le tourisme s'est développé. Les touristes vont loger sur les différentes îles. On peut estimer la population Kounas ? More or less 45,000. 45 000. Yeah, 45,000 in this region, Kunayala. Dans cette région. And another 45,000 there in Panama City, in Panama, all the country. Donc il y en a également 45 000 à Panama City. In total, 90,000 Kounas. Donc 90 000 Kounas. Les Kounas, certains sont très petits. Hein. That's right, yeah. We are normally Kounas are short, you know. Donc normalement les Kounas sont petits. But now we are like we have like mixing, you know. Maintenant il y a un races. Mélange avec d'autres. So races. Now coup, the Kounas are a bit more taller. Donc les Kounas grandissent. Les femmes portent une tenue tout à fait traditionnelle, peut-être plus les femmes. Yeah, that's right. Because men, we don't have traditional. Ah, pour les hommes, il y a pas de tenue traditionnelle. Molas, we call it molas. Molas. So that comes from body painting. C'est body painting. Body painting. Donc ça vient du de for women. Yeah, for women. Ah, oui. Because a long time ago, we didn't have clothes. Ah, avant, les Kunas ne portaient pas de vêtements, mais simplement des peintures sur le corps. Ah, that's right. That we used to paint our bodies. Donc on peignait nos corps. And then the Spanish. Et les au temps de la colonisation espagnole. Donc on amenait les gens finalement un peu obligés à porter des vêtements. Mm-hmm. Et on reproduit les motifs. Les hommes ont des. Maybe yeah, long time ago, yes. Donc il y a longtemps. No, we don't do that anymore. En quoi croient les Kunas? In what do you believe? Okay. And before the Spanish came here. Donc avant que les Espagnols arrivent. We used to believe in Mother Nature, you know. Donc nos croyances étaient envers la Mère Nature. Because you know, Mother Nature gives us everything. Donc la Mère Nature nous a tout donné, la nourriture, the place we live, l'endroit où on vit, mm-hmm. tout. Mm-hmm. But now with the arriving of the Spanish. Donc après l'arrivée de l'espagnol, ils ont apporté Dieu. Yeah. So now we are evangelists. Donc maintenant nous sommes évangélistes, catholiques. All kind of churches and all kind of religions. Donc toutes les bah, Christian. Yeah, Christian. Yeah. Chrétiens, mormons, mais mm-hmm. bon différentes religions et les églises évangéliques. La plupart. Évangélistes. Mm-hmm. La plupart. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. That's right. Le tourisme, c'est vraiment un plus pour le la vie des Kunas. Yeah, part of money. Tourism, is it a good thing or a bad thing? Oh, yeah. C'est une bonne chose, une mauvaise chose finalement pour dans la vie des Kunas. Sides, you know, normally, donc il y a deux regards là-dessus. Good things, like money. La bonne chose, bien sûr, l'argent. How do you say, westernization? Parce que c'est westernization. Ah, like la culture de l'Ouest, le modernisme, c'est ça. Mm-hmm. L'occidentalisme. And the bad things, garbage. You know, et la mauvaise chose, les détritus. Et l'agriculture réduit vraiment progressivement. Comment ça s'organise entre les îles? Il y a une île, par exemple, pour l'école. Y a-t-il une île pour l'hôpital? Je ne sais pas. On se demandait où les femmes accouchent, par exemple. The communities we have schools. Donc dans les communautés, il y a école. Hospitals. Hôpital. Mm-hmm. Long time ago, we didn't have that. Donc stuff, il y a longtemps, on n'avait pas ça. Schools, no hospitals. So the women give birth in house. Donc les femmes accouchaient à la maison. Mm-hmm. But now we have hospitals. Et maintenant, il y a les hôpitaux. Qu'est-ce qui est important dans la vie des Kunas? Now is to try to preserve our culture. Donc de préserver la culture. Our language. Notre langue. Mm-hmm. We are fighting. Donc on se bat. Yeah, because you know, we don't want to lose our culture. Parce qu'on ne veut pas perdre notre culture, mm-hmm. notre religion. That's very important. Notre langue. Mm-hmm. Alors quand il fait très beau, il fait un peu couvert aujourd'hui. Quand il fait très beau, on peut avoir le sentiment de vivre au paradis ici. Est-ce que vous avez l'impression de vivre au paradis? Yeah, definitely. Oui, complètement. We live in paradise, you know. Look at this kind of job that I have here. How oui, regardez mon travail. Oui, c'est ça. Dans le paradis. C'est le paradis. C'est le paradis. Kunas are well, comment dire, intégrés in the Panamanian population. Yeah, yeah. Les Kunas mm-hmm. sont intégrés. Yeah, yeah. Mm-hmm. That's right. No, oui. A lot of Kunas live there. They work. They take their children because they want to maybe to progress, you know. They to send to their children to school and to learn. Donc envoyer leurs enfants à l'école, mm-hmm. apprendre. Mm-hmm. Ok. Yeah. Ja nisam romantik, draga dajda, samo sam fanatik, spremi se da, preletimo Atlantik, u Jetta 2, samo skupo, samo nudo, samo daj, čekaju nas beli Tesla ekipa dama, ukupaćem Kevin Kleinu svakog dana, gledat ću to kao Boga jer si dama, samo naj, za tebe naj. Toliko sam za tobom, toliko sam za tobom, ne znam šta ću sa sobom. C'était la découverte des Kunas au San Blas avec Lénine. terminons ce dernier Suivez le Guide au Panama en appelant Fabrice Mandon, patron de l'agence Orbis. Il était en France lors de mon séjour au Panama. Cette fois, il est à Panama City et nous allons faire un point avec lui sur les préparatifs des JMJ et l'importance qu'elles ont pour le Panama. Voyagez les yeux fermés, suivez le guide. Qué bonito es Panamá, tiene hermosas mujeres. Qué bonito es Panamá, tiene hermosas mujeres. Bonjour Fabrice, comment ça va? Mais écoutez, en pleine forme. Quel temps fait-il à Panama City début décembre, Fabrice Mandon? Eh bien écoutez, aujourd'hui il fait à peu près 31 degrés, il n'est pas 10 heures. Mmh. L'été arrive, l'hiver s'en va. L'hiver, c'est la saison des pluies, la saison tropicale, puisqu'on n'a que deux saisons ici au Panama. La saison sèche et la saison des pluies. Et donc là, l'été est arrivé un peu en avance sur son temps. Il va faire 34 dans la journée avec une petite brise sur le Pacifique. Et donc un temps que tous les Panaméens adorent. Et donc ce sera en plein été, les journées mondiales de la jeunesse au Panama seront en plein été? Absolument, les journées mondiales de la jeunesse seront véritablement pendant l'été ici au Panama. Donc il faut compter avoir 28, 29 le matin et jusqu'à 33, 34 l'après-midi, mais avec une petite brise qui permet de rafraîchir un peu tous les participants. Alors là, Fabrice Mandon, on enregistre notre conversation à peu près 2 mois. Ce n'est pas au moment de ma venue. Moi, je suis venu au début de l'année 2018. Là, on enregistre notre conversation à peu près 2 mois avant le début des Journées mondiales de la jeunesse. En parle-t-on beaucoup des JMJ au Panama ? Panama est un tout petit pays, comme vous le savez très bien, c'est à peine 4 millions d'habitants, mais c'est un pays qui sait s'unir de par ses peuples, parce que ses peuples sont nombreux. Vous savez qu'il y a 1 million d'immigrés au Panama qui viennent de partout dans le monde. On a 7 communautés indiennes et des gens qui viennent de diverses origines. Tout le monde au Panama sait s'unir pour un événement. Ça a été le cas pour la Coupe du Monde. Et recevoir dans un pays comme le Panama, qui est un pays catholique, recevoir aujourd'hui les JMJ est un événement absolument sans précédent. On commence à avoir des drapeaux, on commence à avoir des autocollants, on commence à avoir bougé quelques mouvements sur les JMJ. C'est pas encore complètement fait parce qu'il y a les fêtes de Noël qui démarrent très bientôt. Donc ici, on met l'accent sur Noël, un peu comme à Medellín en Colombie. Mais on est véritablement dans un compte à rebours à 2 mois de l'événement. Quel sera le site principal des Journées mondiales de la jeunesse? Alors, le site principal, ils sont toujours en train d'en discuter pour des raisons faciles à comprendre de transport. Panama City est une très grande ville qui compte pratiquement 1 million et quelques d'habitants. Et pour des raisons de transport qui sont un peu particuliers ici sur Panama, vu le développement exponentiel de l'économie, ils sont toujours en train de travailler sur les sites de réception des JMJ. Ils sont nombreux, mais ils n'ont pas encore statué précisément et donné un programme précis sur le déroulement des journées. Mmh. Ce qui est tout à fait logique par rapport au Panama. Panama sait faire les choses très vite ou très lentement. C'est l'avantage et l'inconvénient de l'Amérique latine. Mais c'est un gros avantage, c'est qu'ils savent de toute façon être carrés au niveau de l'organisation. Donc là-dessus, je leur fais complètement confiance. Je sais qu'ils travaillent dessus. Je sais qu'ils vont trouver des meilleures alternatives, notamment pour les transports et pour les sites. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Ouais. Alors, a priori, on attend combien de personnes pour ces Journées mondiales de la jeunesse au Panama? Écoutez, on a parlé très longtemps d'un million de personnes, ce qui m'a semblé un petit peu exagéré. Aujourd'hui, on oscille entre 750 et 800 000 participants, ce qui est déjà très très bien. Comme vous connaissez la ferveur du catholicisme ici en Amérique latine, il y en a beaucoup qui viennent aussi des pays d'Amérique centrale, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, qui remontent bien sûr jusqu'au Mexique, mais aussi beaucoup d'Amérique latine, Colombie, Pérou, Équateur, Brésil et autres. Donc on va avoir une forte population sud-américaine sur les JMJ, mais nous on voit de notre côté qu'on a beaucoup d'Européens aussi qui sont prêts, qui ont réservé leurs hostels, qui ont réservé leurs transports. Et donc on va avoir une belle fête pour ces premières JMJ au Panama. Qué bonito es Panama, tiene hermosas mujeres. Qué bonito es Panama, tiene hermosas mujeres. Tous ces jeunes qui viendront des pays d'Amérique latine, ce sont les grandes vacances pour eux. ce sont les grandes vacances pour eux, et c'est surtout l'événement immanquable sur le continent américain. C'est vraiment une ferveur qui va être sans précédent. À mon avis, vous allez être très surpris de la ferveur et du partage qu'ils vont avoir avec les autres communautés et les autres pays sur cet événement. Et les Sud-Américains adorent vraiment ce type d'événement, et pour une fois, ils peuvent y participer, parce que les JMJ en Pologne ou en Espagne, pour eux, c'était trop loin et beaucoup trop cher. Vous savez, il y a un problème de budget. Alors que là, les bus vont passer la frontière du Costa Rica, c'est déjà prévu depuis très longtemps. On attend un nombre de bus incalculable à la frontière costaricaine. Tous ceux qui ne viendront pas en avion pour des raisons de coût viendront en bus sur Panama City, notamment par la frontière costaricaine, qui sera la plus sollicitée sur l'événement. Alors, ça bouchonne déjà pas mal à Panama City. Là, ça va bien sûr être encore... Alors, les bouchons seront encore plus importants, et côté circulation, ce ne sera pas de la tarte de rouler à Panama City pendant les JMJ. Alors, ce ne sera pas de la tarte. Encore une fois, j'ai grande confiance dans les autorités panaméennes qui savent véritablement improviser. Et quand je dis improviser, je n'aime pas le mot parce que ça a un côté un peu non professionnel, alors qu'ils sont très professionnels là-dessus. Ils savent contrecarrer les problèmes de circulation, et je pense que ça va très très bien se passer, parce qu'ils vont réussir à bloquer des voies, à dégager d'autres voies, de manière à fluidifier le trafic. Les compagnies de bus avec lesquelles on travaille, parce qu'on fait de nombreux transports, ont déjà des recommandations d'itinéraires et autres. Ils savent exactement qu'il va y avoir une fluidité au niveau du trafic qui va être mise en place pour les JMJ. Le Panama ne va pas louper son événement. Et il faut savoir que ça va être très réussi. Les gens vont véritablement organiser les choses de manière à avoir les meilleurs JMJ possibles. Les agences de voyage et l'agence que vous dirigez, les agences françaises, il y a quelques agences françaises, quelques Français qui dirigent des agences de voyage au Panama, s'occupent plutôt de l'accueil d'Européens, de l'accueil de Français. C'est votre cas aussi, Fabrice Mandon. Donc, vous allez vous-même prendre en charge et vous organiser la venue de groupes venant de France. Alors, je connais pas précisément le thème sur les autres agences, même si nous sommes collègues. Nous, on accueille de nombreux Français de France, d'outre-mer et d'ailleurs. On a même des Calédoniens qui viennent nous rejoindre. On a des gens qui arrivent de l'île Maurice, mais on a aussi des Africains, des Asiatiques, bien sûr des Sud-Américains, mais ça, c'est la logique des choses. Et aujourd'hui, oui, on accueille beaucoup de francophones, on va dire, sur l'événement. Qu'est-ce que vous leur montez comme programme ? Alors, c'est très simple. On leur monte essentiellement des transports à travers le pays, parce que nombreux sont ceux qui seront logés dans des paroisses ou autres en dehors de la ville. Et on leur monte parallèlement des séjours en hôtel ou hostel, c'est-à-dire des séjours pour des auberges de jeunesse qu'on avait pré-réservées depuis très longtemps, et des excursions, parce que nombreux sont ceux qui veulent faire une excursion pour découvrir la communauté indienne ou les plages ou autre. Voilà un petit peu l'essentiel de nos produits. Qu'est-ce que vous allez leur faire découvrir en priorité ? Parce qu'il faut faire des choix aussi, ils ne vont pas découvrir. Même si le Panama est un petit pays, il y a une grande richesse touristique, et puis ils vont être occupés aussi, en particulier durant les journées des JMJ. Donc il y a cette immersion, cette découverte avant. Je suppose que vous avez vous-même fait des choix pour les groupes que vous allez accueillir. Alors, on a fait des choix pour les groupes qu'on va accueillir. On les oriente plus précisément vers la découverte des Indiens, qui est la première excursion, on va dire, réalisable dans un temps relativement court au départ de Panama City, la découverte des Indiens en Beira. Parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux que de découvrir une communauté native indienne dans son univers, qui est la jungle de Panama, et vivre de manière traditionnelle sur 6 ou 7 heures, partager, apprendre la danse, apprendre les tatouages et se baigner dans des cascades. C'est quelque chose qui nous semblait opportun par rapport à des jeunes venant d'ailleurs. Y a-t-il des Indiens qui sont d'ailleurs catholiques ? Il y a de nombreux Indiens catholiques, oui, bien sûr. Que ce soit chez les Gunayala ou les Ambera ou les autres communautés, il y a 7 communautés indiennes au Panama, il y a de très nombreux catholiques. Panama est un pays catholique. Après, les gens ont d'autres croyances, notamment chez les natives, mais la plupart des Panaméens, et les Indiens font partie du Panama, sont catholiques. Donc on peut penser que la population finalement va augmenter, on va passer de 4 millions à 5 millions grosso modo pendant les journées mondiales de la jeunesse. C'est ce qui risque de se passer dans une extraordinaire ferveur et amitié, parce que les Panaméens savent véritablement recevoir, comme beaucoup de pays latinos. Quand je dis latino, c'est absolument pas péjoratif, hein, comme de pays d'Amérique latine, on va dire. Et ils savent recevoir, ils seront ravis d'accueillir tout le monde. Et on parle beaucoup du pape. Ils sont ravis, je suppose, d'accueillir le premier pape d'Amérique latine. Ah ben pour eux, c'est le summum du summum. Accueillir les JMJ avec le pape argentin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que les gens, peut-être en Europe, ne mesurent pas encore l'immensité du dossier, en fait. Les gens ici le perçoivent, nombreux sont ceux qui le perçoivent et qui en parlent, mais il va y avoir, je vous dis, encore une fois, une ferveur qui va être exceptionnelle. Mmh. Donc là, ça va monter en puissance maintenant jusqu'au début des Journées mondiales de la jeunesse. Il y a des travaux sur les routes, enfin, au niveau d'infrastructures, on construit des espaces où vont se dérouler les festivités, même si tout n'est pas encore complètement arrêté. Absolument. Les parcs sont mobilisés. Pour l'instant, ils sont mobilisés pour Noël, parce qu'on fait beaucoup de crèches ici au Panama. Ils sont mobilisés en décor et autres. Mais dès la fin des fêtes de Noël, les parcs seront équipés, programmés de manière à pouvoir recevoir le maximum de personnes. Après, au niveau infrastructure routière, on est en train de refaire des routes et autres. On est en train de terminer le terminal principal du nouvel aéroport de Tocumen. Et on travaille, les Panaméens travaillent sur de nombreux aménagements pour pouvoir permettre les meilleurs JMJ une nouvelle fois. Enfin, les visiteurs, ceux qui vont venir, ces jeunes pour les Journées mondiales de la jeunesse, ont envie de découvrir le canal aussi. Honnêtement, j'ai eu très peu de gens dans les groupes qu'on a qui aient véritablement envie de découvrir le canal. Je pense que le canal fait partie du Panama, c'est une attraction en elle-même, je pense que vous l'avez fait, c'est une attraction en elle-même, c'est le centre névralgique et économique du Panama, mais je pense que ce qui intéresse plus nos pèlerins aujourd'hui, c'est de participer à une fête d'Amérique latine et de partager avec les gens, rencontrer les Indiens, voir d'autres communautés, d'autres styles de vie. Une question, je pense aux parents peut-être qui vont envoyer leurs enfants, même s'ils sont pas tout petits, aux Journées mondiales de la jeunesse, mais qui parfois sont un peu inquiets. Côté sécurité, le Panama est un pays en totale sécurité, non? Aujourd'hui, je peux vous dire franchement que le Panama, c'est le pays le plus sûr d'Amérique latine. De toute façon, c'est prouvé, c'est pas moi qui l'exprime. Les gens sont étonnés parce que nous recevons des gens, des touristes tous les jours, qu'ils soient russes, lituaniens ou africains, canadiens, américains. Ils sont étonnés, surpris de la sécurité qu'il y a sur Panama City et dans l'ensemble du pays. Il y a une seule ville qui reste un petit peu à part aujourd'hui, c'est la ville de Colón, mais oui, ils sont en train de solutionner le problème. Et de toute façon, les pèlerins n'iront pas sur Colón. Mais Panama City, avec sa police, plus sa police touristique, vous pouvez être assuré de rassurer les parents, il n'y a aucun problème de sécurité ici. Rappelons que Panama City, c'est côté Pacifique et Colón, côté Atlantique. Côté Atlantique, absolument. C'est très simple de vivre au Panama. C'est extrêmement simple. Je pense à nos pèlerins qui nous écoutent. On peut manger ici pour 3$ dans la rue ou dans des fondas, comme pour 40$, mais il ne faut pas hésiter, l'eau est potable à Panama City, il ne faut pas hésiter, il n'y a pas de problème de sécurité alimentaire. Tout le monde, moi le premier, mangeons dans la rue sans aucune problématique. Oui. Voilà, il ne faut pas hésiter à profiter, il ne faut pas hésiter à, il va faire très chaud, à acheter une glace, une boisson. On fait des batidos qui sont des mélanges de fruits avec de l'eau ou du lait. Faut pas hésiter, faut pas avoir cette espèce d'appréhension en disant je suis à l'étranger, je veux pas tomber malade, ce qui est tout à fait logique, hein. Mais vous n'avez aucun souci là-dessus. Merci beaucoup Fabrice Mandon, c'est avec vous qu'on va terminer la série d'ailleurs de ces quatre. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt alors. Et à très bientôt au Panama forcément. Forcément au Panama. Merci beaucoup. C'est marrant d'ailleurs, Fabrice Mandon, avec le nom de votre agence, vous avez déjà le nom qui est à moitié une bénédiction. Hein. J'avais anticipé, on va dire. Oui, on va dire que c'est de l'anticipation. On va dire que c'est de l'anticipation. Non, on veut nous, chez Orbis, proposer un pays authentique. C'est là-dessus qu'on mise et qu'on fait ce qui fait notre force aujourd'hui. C'est véritablement sortir des sentiers battus et proposer un service sur mesure et authentique. Mmh. On travaille avec des Panaméens partout et c'est l'authenticité qui fait notre succès aujourd'hui. C'est la fin de ce quatrième et dernier Suivez le Guide au Panama. Gracias Omar Ren Suarez, ambassadeur, Lénine, le guide Kuna et Fabrice Mandon de l'agence Orbis. Suivez le Guide au Panama a été préparé avec la complicité de Mariana Pereira, conseiller affaires commerciales à l'ambassade du Panama à Paris et l'agence Orbis Panama. Un guide conseiller, le petit fité Panama, réalisation Romani Feocchio, le site internet de l'agence orbis-panama.com. Gracias.